Là, ce sont les Gémeaux. Sensuels. Amoureux de la vie à deux. Assoiffés de connaissances. Avec leur peur de la mort. Leur peur de vieillir. Leur peur d'être seuls. Gémeaux, cette musique est votre musique.